Si nous allons dans le psaume, ce matin, je vais vous conduire dans le psaume 82. Le psaume 82, si vous avez votre Bible, vous pouvez aller. Le psaume 82, c'est le titre de ce psaume, c'est Dieu juge les dirigeants des nations. Dieu juge les dirigeants des nations. Quel psaume! J'ai pris le temps de chercher des psaumes. Et je trouvais pas le psaume. J'ai dit, Seigneur, c'est quel psaume je vais trouver? Glenn m'a dit, t'as ta liberté. Et c'est pas le Seigneur m'a conduit dans ce psaume. Et a priori, lorsque je lisais, j'ai dit, je comprends pas, c'est quoi le message? Je parle à Dieu, je dis, c'est quoi le message, Seigneur? Et on va découvrir ce que il a pu me communiquer et comment on peut aussi partager ensemble. Dans le psaume 82, le psaume d'Asaph, il nous dit, j'ai la version Semeur, mais je peux aussi, s'il y en a plusieurs qui ont la version 8 secondes, s'y prendre en 8 secondes. Il nous dit que dans le tribunal divin, Dieu se tient au milieu des dieux et rend la justice. Ah, jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? Défendez le faible, l'orphelin, soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux, libérez le faible et le misérable, délivrez-les de la main des méchants. Verset 5. Mais ils ne comprennent rien, ils ne savent rien, ils avancent tâtonnant parmi les ténèbres. Tous les fondements des pays du monde en sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, oui, vous tous, vous êtes des fils du Très-Haut. Cependant, vous périrez comme tous les hommes, vous serez déchus comme les chefs des nations. Verset 8, pour finir. Ô Dieu, lève-toi pour juger le monde, car tu as pour possession toutes les nations. Merci Seigneur. Dieu bénisse sa parole. En lisant ce psaume, ça m'a paru toute la question de la société. Deux questions sont venues dans mes pensées. C'est quel type de société vivons-nous? Quelle société qui nous est présentée? Et deuxième question, c'est quel type de société voulons-nous? Parce qu'il y a ce que je vis et il y a ce que j'espère. Et le présent n'est pas forcément synonyme, exemple, pareil, identique au futur. Et c'est avec raison que John Maxwell disait, ce que vous vivez maintenant, c'est ce que vous avez pensé hier. Et ce que vous allez vivre dans le futur, c'est ce que vous pensez aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux comme société? Oui, c'est ça la question. Mais quelle société que nous vivons? Je me suis dit, si un journaliste s'avance devant n'importe quel individu, devant n'importe quelle personne, même le plus marginalisé, l'individu qui est déconnecté de la réalité et qui lui pose cette question, veux-tu une société de guerre? Souhaites-tu une société de dictatoriale? Pensez-vous qu'il va dire oui? Aucun être humain, aucun homme veut une société de guerre. Qu'on voit en Afghanistan, qu'on voit en Irak, qu'on voit ailleurs, ils n'ont pas souhaité vivre comme ça. Ils n'ont pas souhaité que la guerre soit installée. Si vous leur posez la question, ils disent, oui, non, ils cherchent la paix. Ils cherchent une société où les gens vivent, cohabitent ensemble. Ils cherchent une société où le pauvre et le riche vivent ensemble. Mais quelle société qui nous est présentée? On voit, oui, c'est une société où le pauvre et riche sont contraires. Chacun est sa position. Où on voit une société où la violence, brutalité contre celui qui veut respecter, celui qui veut plus de sécurité, etc. C'est cette société que nous vivons. Faut pas le nier. C'est une société où carré rouge contre carré vert. N'est-ce pas? Une société où le gouvernement s'en contrôle, les étudiants, c'est cette société que nous vivons. Il ne faut pas se voiler la face. C'est une société où chacun défend sa cause, sa position. C'est cette société que nous vivons. Mais qu'est-ce qui motive l'homme? Qu'est-ce qui motive l'homme à vivre dans une telle société? Et c'est là que nous constatons que l'homme a soif de la justice. L'homme a soif de la justice. L'homme veut que vivre dans un pays où il y a la justice, où il y a le respect, où il y a la tolérance, tout être humain. Tout être humain aimerait vivre riche, bonne santé, aimerait vivre en paix. Tout être humain, pauvre, riche, etc. Et lorsque nous voyons l'exemple de Martin Luther King, qui est l'exemple vraiment qui me vient à l'esprit, où que vivant à l'époque aux États-Unis, 1950, etc., où on nous dit que la loi, c'est que chacun est égal, chacun vaut l'autre, où l'homme et la femme sont sur la même balance, doivent avoir les mêmes avantages. Et lui, il a constaté que ce n'était pas le cas. Il se dit que oui, c'est ce qui est écrit dans la loi, c'est ce qui est écrit dans la législation, mais est-ce que c'est ce qui est appliqué? Et il y a des choses qu'on aimerait, il y a des choses qu'on souhaiterait, il y a des choses qui sont rédigées, qui sont claires, tout le monde le sait, qu'on doit aider l'autre, que le gouvernement a prévu de faire un partage au niveau des bénéfices, etc. Tout est connu. Mais est-ce que c'est ce qui est appliqué? Est-ce que c'est la réalité? Et lui, on a vu que lui, il s'est soulevé contre cela, mais d'une manière, non pas en s'acharnant contre une guerre, contre le gouvernement en position, mais c'est juste une manière de montrer du doigt, voici ce que nous voulons. Nous voulons que l'homme et la femme soient égaux. Nous voulons que le noir et le blanc puissent être assis à la même chaise, aux mêmes endroits, etc. Et c'est toute là la démarche. Nous savons que Dieu aussi veut que l'homme soit en paix. C'est pour ça qu'il a dit dans sa parole, soyez en paix, si cela vous est possible, avec ton voisin, avec ton compatriote. Nous remarquons aussi que beaucoup d'individus ont un rêve, et lui, Martin Luther King, il avait un rêve. Et le rêve s'est réalisé, s'est concrétisé. Souvent, ce rêve peut être, on rencontre des difficultés face à un rêve. Et il ne faudrait pas aussi que l'enfant qui est à côté de nous, qui a un rêve, qu'on puisse le dire, non, c'est impossible pour toi. Ça peut être impossible pour nous, mais pas pour cet enfant. Peut-être que nous n'allons pas le voir réaliser, mais lui, il peut le voir réaliser. Donc, que le rêve que nous pouvons avoir, que le rêve que nous puissions avoir, nous puissions le garder, conserver. Lui, Martin Luther King, il ne l'a pas vu, mais ses enfants l'ont vécu. Et j'aimerais parler en termes que ce que Dieu a mis dans mon cœur, c'est dans le sens que ce que tu souhaites, c'est possible. Tout est possible. Le rêve aussi peut être, on peut tuer le rêveur. On peut emprisonner le rêveur. On peut mépriser le rêveur. On peut dire, ce que tu dis là n'a pas de sens. T'es moins que rien, t'as-tu fait des études? As-tu ton secondaire 5? Mais réfléchissons, moi je suis doctorant, je fais que ça, étudier, mais il n'y a pas de sens. Ça ne veut rien dire. Qu'est-ce que Dieu a mis dans ton cœur? Quels sont tes projets? Quels sont tes désirs? Ne laisse pas brimer ce rêve en dépit de toutes les circonstances, les situations que tu pourrais endurer. Tous ceux qui ont réussi ont fait face à des obstacles. Ils sont sortis souvent dans la misère et ils ne sont pas restés dans la misère, mais ils avaient une espérance de vie. On peut être misérable, on peut vivre une vie de misère, pas seulement financière, il y en a qui sont riches, mais qui sont dans la pauvreté absolue parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils ne sont pas tranquilles. Et Dieu est celui qui nous apporte sa paix. Dieu est celui qui est venu pour nous apporter sa joie. Il y en a qui ont tous les moyens de pouvoir acheter, mais ils n'ont pas de joie. Et la joie aussi vient de Dieu. Quelles sont les perspectives? Comment trouver l'équilibre? Comment je dois me battre? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Si nous retournons dans le psaume, au début, nous voyons que Dieu a le rôle et il est le juge suprême. Il parle en tant que juge suprême. Et qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit déjà au verset 2, « Jusqu'à quand défendrez-vous les injustes et prendrez-vous le parti des méchants? » Il remarque que ceux que lui, il leur a donné la mission, qu'il lui a donné le poste pour pouvoir rendre justice équitablement, ne le font pas. Pourquoi défendez-vous les injustes? Pourquoi défendez-vous les méchants? Ils sont méchants, ils méritent leur châtiment, entre guillemets, ils méritent que en tant que juge, que vous soyez, que vous puissiez les juger à juste titre. Alors, c'est quel temps que nous vivons? Moi, je me suis dit, c'était quel temps que Dieu est en train de parler? Je vois que c'est comme le temps où Saül est au pouvoir et que les juges, ils sont complaisants. Ils sont un peu aux avantages de ceux qui ont les moyens, de ceux qui peuvent payer. OK? C'est un temps où celui qui a le pouvoir, dicte la loi. C'est un temps où celui qui est misérable n'a pas droit de vote, n'a pas droit de parole. C'est ce temps-là qui nous est présenté dans le texte. Et Dieu continue en disant que votre rôle, au verset 3, ce serait plutôt la défense. Défendez le faible, défendez l'orphelin, soyez juste à l'égard du pauvre et du malheureux. Constatons que Dieu a autant de compassion, a beaucoup de compassion, beaucoup d'amour pour ceux qui sont dans la pauvreté. Dieu veut que ceux qui vivent dans la pauvreté, ceux qui sont sans toit, sans maison, sans famille, qui n'ont pas de relation, Dieu veut qu'on puisse les assister. Dieu désire que nous soyons compatissants envers eux. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux leur offrir? Ce que tu peux leur offrir, ce n'est pas ce que je peux leur offrir. Ce que l'autre peut offrir, ce n'est pas ce que mon voisin peut offrir. Nous constatons que dans la réflexion que Dieu nous emmène, c'est à réfléchir à comment moi je peux aider mon prochain. Comment moi je peux apporter une réponse à l'autre. Il nous a dit aussi qu'il parle, il dit les choses, il a défini des lois, des règles, mais pourtant, au verset 5, ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent pas. Ils n'avancent pas, ils tâtonnent. Et nous voyons comme un tremblement. Lorsque le pauvre, lorsque celui qui mérite de compassion, qui mérite qu'on puisse porter secours, assistance. Lorsque il n'est pas assisté, il y a un tremblement dans le ciel. Dieu se met en colère. C'est pourquoi Dieu dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps où on rit, il y a un temps où on pleure. Il y a un temps où il y a la paix, il y a un temps où il y a la guerre. Il y a un temps où il faut courir, il y a un temps où il faut s'arrêter. Et nous constatons que Dieu dit que lui, il a prévu un temps où tout cela va cesser, où tout cela doit cesser, doit s'arrêter. C'est pourquoi qu'il vous a dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, ça veut dire que vous avez les moyens, la possibilité d'accomplir des choses. Parce que vous êtes fait à mon image. comme des petits dieux. Vous avez les moyens, vous avez la possibilité d'accomplir. Mais est-ce que vous prenez position? Est-ce que vous êtes en action face à ça? Il y en a qui diront, cette affaire-là ne me regarde pas. Cette pauvreté-là n'est pas pour moi. Je ne vais pas regarder ce qu'il fait. On est en train de tabasser ton voisin, mais ça ne me regarde pas. Ce n'est pas mon affaire. Ta voisine pleure parce que son mari... Non, ça ne me regarde pas. Je ne peux pas me mêler de ça. Cet enfant a besoin qu'on puisse lui parler. Non, non, je n'ai pas le temps. C'est timing. Time is money. Je n'ai pas le temps. Le temps, c'est de l'argent. Nous savons quelle société que nous vivons. Mais en tant que chrétiens, nous avons une responsabilité, un devoir d'être compatissants envers les autres. C'est pourquoi il dit au verset 7, les juges, il parle des juges, de ceux qu'il a, il a habilité, il leur a donné pouvoir, les gouverneurs, ceux qu'il a, il a approuvé leur statut. Il dit que cependant, vous périrez comme tous les hommes, vous serez déchus comme les chefs des nations. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dans tout ça? Comment peut-on comprendre la signification de tout ça? J'ai l'histoire de l'abbé Pierre. Je ne sais pas si vous connaissez l'abbé Pierre, qui en France a été vraiment un homme religieux, un homme spirituel, un homme aussi un sociologue, un homme qui, de la haute bourgeoisie qu'il était, est allé au secours des autres. Et lorsque, à un moment, il y avait, pendant, je pense que c'était encore M. Sarkozy, le président français, qui était au pouvoir à ce moment-là, et que les sans-abri, ils se sont dit, ils sont fatigués de qu'on ne puisse pas venir à leur secours, etc. Tous les regroupements communautaires se sont joints à eux, les aidants. Mais le gouvernement n'a pas réagi. Il n'y a rien qui a été fait. Et lui, il s'est dit, mais pourquoi il va vivre bien? Il est là, à son poste. Oui, c'est sûr qu'il vit aisément, il a les moyens, etc. Pourquoi lui, il vit aisément? Tandis qu'eux, ils sont dans cet état-là. Eux, ils revendiquent, ils demandent. Et ce n'est pas qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir assurer. Ce n'est pas que le gouvernement n'avait pas les moyens. Le gouvernement avait les moyens. Il y a des logements, des milliers de logements qui n'ont pas preneur. À ce moment-là, à Paris, trouver les moyens de les loger. Non. Lui, il s'est dit, il sort de son statut pour prendre une tente pour être là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les caméras sont venues montrant. Mais regardez, lui, parce qu'il avait aussi le titre de député, lui, député qu'il était, il est allé avec le peuple, avec ceux qui sont sans abri, sans maison. Ça fait, ça grogne. Et là, le gouvernement était obligé de trouver les moyens de loger tout ce monde-là. Le gouvernement a logé. Nous comprenons souvent qu'il faut qu'il y ait un acte. Il faut qu'il y ait un passage à l'acte. Il faut qu'il y ait comme un choc, quelque chose, un changement se produit lorsque quelqu'un se lève. Quelqu'un dit « assez, c'en est assez ». Quelqu'un qui a reçu une mission, quelqu'un qui a reçu quelque chose dans son cœur qui dit, ce n'est pas de lui-même qu'il fait, mais c'est parce qu'il a été inspiré, qu'il a été mandaté par Dieu lui-même. Et peu importe cette personne-là, peu importe sa culture, peu importe son histoire, peu importe quoi ses diplômes, etc., c'est juste parce qu'il l'a reçu et il le ressent. Le même l'abbé Pierre, je vais finir par cet exemple-là, le même l'abbé Pierre, au moment où il était fatigué, découragé, déprimé presque, vous savez, on passe tous par des moments difficiles dans notre vie. Il y a des moments où on est bien, bonne santé, etc., tout va bien. Il y a des moments où c'est difficile dans tous les sens du terme, famille, travail, etc., où on ne comprend pas. Et ces moments-là, c'est où les moments où Dieu veut nous utiliser. Pensez pas que lorsque c'est tout va bien, Dieu veut t'utiliser. Dieu veut t'utiliser lorsque tout va mal. Parce que, il dit, c'est pas toi qui va être glorifié, mais c'est lui. Alors cet homme, on l'appelle, on lui dit, Monsieur l'abbé Pierre, il y a un homme, depuis 40 ans, il était en prison, il vient de sortir de prison, il a déjà fait plusieurs tentatives de suicide, etc. Il est 22h, 10h du soir, nous ne savons pas quoi faire, vous êtes député, vous êtes aussi, vous avez des lieux d'hébergement, etc. Qu'est-ce que vous faites avec ce bonhomme-là? Allez le voir. Il est découragé, il est tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de ressources. Ses lieux d'hébergement sont foules, il ne sait pas où cogner rien. Et on l'appelle pour soutenir quelqu'un. Lui, il va voir le bonhomme, il voit le monsieur qui est là, plusieurs suicides, etc. sont actifs, et que sûrement du jour au lendemain, il va se suicider. Il lui a dit une chose, et ça m'a touché. Il lui a dit, comment tu peux m'aider? J'aimerais que tu m'aides. Le monsieur lui a regardé, il lui a dit, oui, je vais te suivre. Il a quitté son état, il est allé avec lui. Ce monsieur, on nous a dit qu'il est devenu compagnon d'Emmaüs pour bâtir les logements, les trucs pour l'abbé Pierre, pour tout le regroupement. Dans son histoire, il a dit que si l'abbé Pierre lui avait trouvé un logement, il serait suicidé quand même. Ce qu'il avait besoin, c'est qu'on puisse le considérer à juste titre. Ce qu'il avait besoin, c'est d'une oreille attentive. Ce qu'il avait besoin, c'est qu'on puisse juste être à côté de lui, qu'on puisse croire qu'il a un potentiel. Et je pense que ce que l'homme, la femme, les autres qui sont à côté de nous ont besoin, c'est qu'on puisse être à côté d'eux. C'était juste là la pensée. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse ensemble. Merci.